Chapitre 4. On avait sonné, et Victor, un peu énervé, demanda qui était là. Il ne voulait voir personne, mais c'était Louis. Le peintre, pensait André, le distrairait peut-être. « Tu veux bien recevoir Louis ?»« Et comment veux-tu que je ne le reçoive pas ?» La pensée de Victor ajoutait peut-être mentalement à l'amertume de ses paroles toutes simples mais tristes. « Est-ce qu'il n'est pas mon complice ?» Lorsque Louis entra, Olivier, dès le premier coup d'œil, le trouva changé, lui aussi. Il n'avait plus le même air. Sous un sourire voulu, une sorte de tristesse apparaissait. Sa causticité d'autrefois semblait maussade. Ce Parisien élégant d'aujourd'hui manquait d'un laisser-aller bon enfant, jeté au vent comme à l'est ou perdu en route. Il essayait de plaisanter avec un rire qui sonnait creux, s'informait de la santé de Victor en cherchant un mot amusant qu'il ne trouvait pas, et lorsqu'il serra la main d'Olivier, le jeune homme lui dit tout naïvement « Cher monsieur Louis, est-ce que vous ne vous portez plus bien ?» Louis parut étonné de la question, se demandant si réellement il était aussi transformé que cela. Puis, avec sa gaieté factice, « Bah, qui est-ce qui se porte bien » dit-il. « Est-ce que tu t'ennuies ?» demanda Victor d'un ton bizarre en examinant le peintre dans les yeux. Louis était assis près de lui au coin du feu. Il soupira en hochant la tête. « Eh, mon cher, que veux-tu ? J'étais arrivé à mon premier cheveu gris sans même savoir ce que c'était qu'un bâillement. Et ma foi, depuis quelques mois, par moments, oui, je crois que je m'ennuie. « Ah, dit Victor, ce n'est plus le temps où tu brûlais la chandelle par les deux bouts. Surtout quand je n'avais pas de chandelle. Et Dieu sait pourtant, dit le peintre, ce que je remue de choses et ce que je vois de gens. Des affaires j'en fais, des occupations j'en ai, de l'argent j'en gagne. Et comme j'ai l'honneur de vous le dire, je m'ennuie. Or, je ne m'en plains pas. On m'aime toujours bien, mais autrefois, il me semble qu'on m'aimait davantage. Peut-être aussi qu'autrefois j'étais plus drôle. Eh bien oui, je crois que j'étais plus drôle. Mais qu'est-ce qui te manque maintenant ? Dit André. Qu'est-ce qui te gêne ? Tu as tout ce que tu souhaitais. As-tu arrangé ton atelier ? Très beau, mon atelier, fit le peintre. Un jour superbe. J'y lis les journaux, le bulletin financier, la cote officielle, le crédit aléatoire, je ne sais pas quoi. Le jour y est très bon pour lire les courriers de la bourse, mais pour peindre, non, ce n'est plus le soleil d'autrefois. Il me semble même qu'on m'a changé le plein air. Parole, j'ai voulu peindre. J'ai essayé un portrait de Miss Maud, tenez. Ah, bien oui, je ne sais pas si c'est parce que Raymond, qui était là, empêchait Miss Barker de poser ou me tirait l'œil avec ses diables de cheveux roux. Ignoble le portrait, raté absolument. J'ai crevé la toile. Il eut un moment de colère, d'un désespoir nerveux, et dit, la voix âpre, soudainement, « Il me semble, tout bien calculé, que je ne suis plus qu'une mazette. J'essaie de reprendre mon ancienne toile si amusante, le foyer de la danse avec un tas de petits museaux roses et d'habits noirs à côté, comme des scarabées. Ah bien oui, il m'ennuie aussi, le foyer. Elle m'ennuie, les robes de gaz. Il m'ennuie, les sifflets d'ébène, tout m'ennuie. Pauvre Louis. » dit André, pendant que le peintre essayait de rire. Il ne posait là ni pour le spleen, ni pour le désespoir. Ce qu'il disait en ricanant, c'était le fond même de sa pensée. Il hocha la tête, regarda André et Olivier avec une expression bizarre, comme si la vue de braves gens, très simples, leur posait. « Maintenant, voyez-vous, je suis un gros bonnet. Si l'on veut, je fréquente Odion et je lui trouve plus de génie qu'à Eugène Delacroix. Je suis peut-être dans le vrai. » Mais encore une fois, je m'ennuie à crier, à pleurer, à mordre, à casser tout, à devenir idiot, enragé. Prenez garde, dit Louis en essayant de rire. L'hydrophobie, m'y voilà. Et j'ai été pourtant peintre, comme disait cet autre. Mais est-ce que je sais les changements qui se sont faits en moi, dans mon œil, dans ma couleur? Ce n'est pas la première fois qu'on se figure escalader une montagne et qu'on barbote dans une mare. Mon foyer de l'opéra. Je croyais en faire un tableau, et ce n'est peut-être qu'une galette. « Je sais bien, dit-il en riant toujours, que je n'ai plus besoin de faire de la peinture, et que si je l'aime, je peux en acheter. Mais voilà, ce n'est pas la même chose. Est-ce bête? Autrefois, rien que de trousser un square de Paris, de chiffonner une jupe, d'attraper une petite Parisienne traversant la chaussée du bout des pieds, ça me passionnait. Et maintenant, ma parole, si le porte-monnaie est plein, ça et ça, il se frappait le front et montrait ses doigts. c'est tari, c'est fini, c'est cassé, ça. Un bidé, votre cousin Louis. » Il y avait une douleur vraie dans ces plaisanteries funèbres, et Victor frissonnait, écoutant en lui gémir comme un écho de ce désespoir. La même souffrance les étreignait l'un et l'autre, et au fond du ricanement du peintre, il retrouvait un de ses sanglots. André essayait de consoler Louis. « Voyons, tu exagères. Ou plutôt, tu ne penses pas un mot de ce que tu dis là. Tu as manqué le portrait de Miss Maud. Fais celui de Raymond. Je parie que tu le réussiras. Tu crois, toi ?»« Tiens, maître Auboin, tu sais qu'il passe pour avoir du goût, maître Auboin. C'est un amateur célèbre, presque un expert. Il disait encore l'autre jour qu'il donnerait n'importe quoi pour avoir un tableau de toi. » Lorsqu'elle avait parlé d'Auboin, Louis et Victor s'étaient regardés brusquement. « Auboin, il n'est pas dégoûté de la peinture de millionnaire. Trop tard, la boutique est fermée. »« Je parie qu'il est excellent à votre foyer de l'opéra, » interrompit Olivier, jusque-là silencieux. « Veux-tu nous le montrer ?» ajouta André. « Peut-être que notre humble avis te remontera un peu. Va, tu n'es pas si financier que cela, tu es encore peintre, tu seras toujours un vrai artiste. »« Artiste tapissier, j'ai surveillé la pose des tentures de l'hôtel de Guillemard. Voilà toute mon œuvre. Mais, sérieusement, ton avis me ferait plaisir. Le vôtre aussi, mon cher Olivier. Et avis pour avis. Je regrette de dire cela devant M. Giraud, mais, tu sais, Victor, Guillemard va te demander de te fourrer dans sa société d'alimentation. » « Ah ? » dit Victor, un rayon d'espoir aux yeux. « Certainement. Eh bien ? Eh bien, refuse. Oh, net. Trop dangereuse, l'affaire. C'est l'avis de Rodion, et Rodion, à moi, c'est mon homme. » « Mais M. Rodion est tout à fait brouillé avec M. Guillemard, » dit Olivier. « Je le sais bien. Ce sont leurs affaires, non les miennes, chacun pour soi. J'ai mis dans le jeu de Rodion. Je ne te dis pas d'en faire autant, mais je t'avertis que la société d'alimentation va être terriblement battue en brèche. Vous pouvez en avertir, Guillemard, mon cher Giraud. » Olivier répondit. « M. Guillemard le sait bien, il est prêt à lutter, il y est habitué. » Devant une espèce de menace, Olivier défendait tout haut une opération qu'il jugeait très sévèrement tout bas. Il était l'employé de Guillemard, il devait le faire sentir à Louis. Mais le conseil qu'il donnait ensuite à Victor, effroyablement tenté par la perspective d'une alliance possible avec Guillemard, le grand Guillemard, laissait bien deviner sa propre pensée. Abstention complète. À quoi bon se mêler à ces batailles de l'argent ? Lui-même, Olivier Giraud, tout pauvre qu'il était, songeait à se retirer de la mêlée et demandait à Émile de lui donner, au lieu d'un poste à Paris, l'administration des charbonnages que possédait Guillemard en Belgique, les charbonnages de Saint-Luc, qu'Émile, ayant mis là-dedans des capitaux comme à fond perdu, ne connaissait même pas. « Vous quitteriez Paris ?» dit André, involontairement, très vite. « Oui, » fit Olivier, un peu contraint. « C'est une idée qui me poursuit. »« Et l'on ne vous verrait plus ?» demanda Victor. « Oh, ne craignez rien, monsieur Ribert, je n'oublie pas ceux que j'aime. » La pauvre André était toute pâle, et un grand silence tombait dans ce salon où, tout à l'heure, les drôleries lugubres de Louis mettaient du bruit à défaut de gaieté. Victor, pensif, songeait à ce que lui répétaient à la fois Olivier et Louis, et pourtant. Pourtant il lui fallait de l'argent pour Geneviève, de l'argent pour la dot de sa fille, de l'argent surtout pour avoir le droit de rendre ce qu'il avait pris, oui, pris, comme volé, au coin d'un bois. Louis se sentait mal à l'aise. Il se tourna vers Olivier, lui demanda s'il sortait. « Accompagnez-moi, mon cher Giraud. Nous causerons affaire au tableau, à votre choix. Financier et barbouilleur. Je suis le maître Jacques de la peinture. » Il éprouvait cependant un secret plaisir à entendre Olivier lui demander à voir cette fameuse esquisse du foyer de l'opéra. « Vraiment, vous tenez à regarder ça ? J'y tiens beaucoup. Allons, et pour peu qu'elle vous plaise, tant pis pour vous, je vous la donne pour rien. » André lui promettait aussi d'aller le voir demain, ce malheureux tableau que Louis parlait de crever, et le peintre s'éloigna, un peu consolé, mais laissant Victor plus songeur et plus tourmenté qu'auparavant. Ribert attendait avec une sorte d'anxiété cette visite de Guillemard annoncée par Louis. Il lui passait devant les yeux des folies de gain facile, si facile, presque sûr, ou plutôt absolument certain, avec Émile. Ce Rodion avait beau dire. Guillemard était un autre homme que tous ces tripoteurs-là. S'associer avec Guillemard, C'était la fortune, peut-être, et une fortune due non pas à un testament volé, mais au gain d'une bataille. Pourquoi hésitait-il donc? Pourquoi n'osait-il pas? Tout à l'heure, abattu, Ribert maintenant se sentait éperonné par la fièvre. André souriait, et lui retrouvait aussi des sourires d'autrefois. Il parlait, il avait besoin de confier ses projets à Geneviève. Elle rentrait justement, toute rayonnante, disant gaiement à Victor « Je viens de me ruiner. J'ai commandé une collection de chapeaux pour une somme folle. Oh, ils iraient si bien à André. Mais tu n'es pas coquette, André. C'est un grand défaut. Les maris détestent la coquetterie, et quand on n'en a pas, ils en réclament, tu verras. » « Cela dépend des maris, » dit André. « Demande à ton père. N'est-ce pas que vous aimez à me voir jolie ?»« Tu es toujours jolie, » répondait Ribert. Il lui disait alors ce que Louis lui avait appris. Qu'en pensait-elle? Le grand projet de Guémard pouvait être une source de fortune considérable. « Des affaires de bourse ?»« Non, non, non, » répondit bien vite Geneviève en riant. « C'était bon quand nous étions ruinés. Dévorons d'abord nos millions. Si nous n'en avons plus, nous en demanderons aux sociétés de Guillemard. » Mais pas un sou jusque-là dans ces affaires, je vous en prie, je vous en supplie. Puisque je vous l'ai dit, je suis contente comme je suis, puisque je gage tout à plaisir, puisque je vis de la vie que j'aime. Ah, vous ne savez pas? Je quêterai mardi à l'exposition des arts décoratifs. Oui, pour l'œuvre des orphelins de mer. J'ai mon nom sur l'affiche, cela m'amuse. Et l'on me fait une toilette. Pas une dame patronesse n'en aura une semblable. Donnez-moi ce que vous vouliez donner à la souscription Guillemard. Si ces 400 000 francs, cela m'est égal, je les dépenserai. Mais pas un centime à la bourse. Non, sans plaisanter cette fois, ne vous mêlez pas des affaires de Guillemard. André ne disait rien. Elle avait encore dans l'oreille la voix d'Olivier, et elle l'entendait répéter qu'il voulait quitter Paris, comme si la combinaison nouvelle d'Émile lui fait peur. Allons, Victor le voyait bien. Il fallait bien se résigner. On le condamnait à l'inaction. Était-ce sa faiblesse ou l'audace de Guillemard que Geneviève et Louis redoutaient? Peut-être avait-il raison de se montrer défiant, et cette opération était douteuse, évidemment, mais si tentante. Il eut pourtant l'énergie de résister lorsque Guillemard vint, en effet, ce jour même, faire sonner de sa voix joyeuse les millions en perspective de la Société Générale d'Alimentation. C'était déjà l'événement de Paris. Stocklight, le directeur fondateur de la Central American Bank, la plus forte banque d'émissions de Paris, se chargeait de l'affaire et répondait d'un succès écrasant. Le conseil d'administration était trié sur le volet, de grands noms et de grosses fortunes apparentes. La publicité allait commencer, une publicité à tout casser avec des articles étonnants, un tintamarre du diable, des biographies et des portraits de Guillemard et de Molina dans les feuilles spéciales, et une vue des futurs docks de l'alimentation générale, un palais. La banque, aujourd'hui, s'étalait dans des logis stupéfiants de luxe comme ceux des Médicis à Florence ou des Fugger à Augsbourg. Guillemard répétait ses noms comme s'il les avait appris dans un prospectus, et avenue de l'Opéra, dans un immeuble qu'on achèterait, on établirait un hall immense, tous les services centralisés, une maison de marbre avec du granit noir, du corgolin pâle et de l'échaillon jaune, solide comme le crédit même de Guillemard. On marcherait sur des panneaux de verre coulé, et les caisses seraient placées au sous-sol comme au comptoir d'escompte. Et Guillemard tirait de ses poches les plans et les devis de l'architecte qu'il montrait à Victor, tenté affreusement, mais silencieux. « Ça n'a pas l'air de te sourire, » dit Émile qui le suivait du regard. « Au contraire, mais... Tu sais, je t'en ai parlé parce que je t'aime beaucoup. » Mais que tu entres dans l'affaire ou que tu n'y entres pas, je m'en moque comme d'une guigne. » Il repliait les devis au dessin teinté de noir et de rouge lorsque Geneviève entra, interrompant volontairement l'entretien. « Je parie que c'est vous qui empêchez Victor d'être avec nous, » dit Guillemard. Elle sourit. « C'est moi, tout justement. Et pourquoi ? J'ai une opinion. Il ne faut jamais fermer la porte à la fortune. Et si je me trouve maintenant assez riche ? » redit-elle. En regardant Émile de son air alangui, souriant gentiment comme pour narguer les madrigaux d'autrefois. « On n'est jamais trop riche. J'ai une indigestion d'argent et j'ai encore faim, » répondit Guillemard. « Bonjour, Victor. Tant pis pour toi, chère cousine. » Elle lui tendit la main et il ressentit comme toujours, sous le défi coquet de Geneviève, une impression de brûlure délicieuse. Puis il partit, oubliant la femme et allant droit à ses affaires comme un boulet à son but. J'ai une indigestion d'argent. La brutalité satisfaite de ce cri presque bestial apaisait un peu Victor Ribert. Qu'était-ce donc que ce qu'il détenait comparé à la fortune de cet homme? Et ce sophisme qu'il se répétait âprement calmait sa colère contre lui-même, une colère faite de honte. Puis, son honnêteté grondait en lui, hurlait, comme étranglé. Une obole à lui, et que tu garderais une seule, et le crime sur elle-même, et c'est un crime. Deux jours après, sur les murailles de Paris, à la quatrième page des journaux, partout, s'étalait l'annonce de la souscription de la Société Générale d'Alimentation Publique, capital 100 millions. 100 millions à ajouter aux émissions d'actions qui couvraient les murs et demandaient au public 40 millions, 50 millions, 60 millions, 80 millions, 100 millions encore. La banque Stocklight faisait bien les choses. Jusqu'aux petits journaux borgnes de finances collés ainsi que des ventouses sur la peau d'une nation et partout leur suceoir, aspirant son sang et sa moelle, comme les tentacules du poulpe, tous les organes de publicité avaient été réquisitionnés et lâchés sur la crédulité publique. Il en sortait de partout de ces gazettes, d'infimes et de louches, fondées presque pour la circonstance. Le directeur de l'Orgnon financier se présentait à Stocklight et réclamait sa part au gâteau, déposant un exemplaire de son journal portant le numéro 420, et en jetant par hasard les yeux sur ce lorgnon, l'Américain s'apercevait que le numéro avait été composé avec le cliché d'une pièce traînant dans quelque imprimerie. Acte 3, scène première, Gabriel seul, chantant un couplet, et au-dessous, en grosse capitale, lorgnon financier, journal hebdomadaire, incorruptible. Stocklight trouvait l'invention drôle et donnait au rédacteur en chef une action délibérée. 100 millions de capital. Stocklight, grand et bel homme, d'un blond paille, avec une barbe lui descendant jusqu'aux pectoraux, des biceps formidables, taillés comme un dompteur d'ours, n'était pas effrayé du tout par le chiffre d'une telle émission. Son œil, d'un bleu pur, avait des sourires. Un rictus léger relevait sa barbe dorée comme la brise jouerait dans des épis. Avec son petit accent yankee, il répondait à toute chose. « Parfait, parfait, excellent. » Une publicité monstre ? Parfait. Un tapage étourdissant ? Excellent. On raillait un peu çà et là cette idée de l'alimentation générale. Excellent toujours. On surnommait, en riant dans l'argot familier de la bourse, ami du pittoresque, l'affaire de la Boostify. Toujours parfait. La Boostify, bravo ! Une réclame toute faite. Un annoncier proposait à Stocklight d'intercaler dans le tableau de la gourmandise des sept châteaux du diable, qu'on allait reprendre, un défilé de l'alimentation générale. « Admirable, admirable !» répétait Stocklight. Il lui préférait un balai, avec les actions et les coupons dansant en pas sous une pluie d'or, mais le défilé était une idée exquise, exquise. « Étonnant, ce Stocklight. Magnifique !» disait à Guillemard Molina enchanté. « Il est plus parisien que moi, ce New-Yorkais. »« D'autant plus que tu es de Marseille, » répondait Guillemard, ivre de tout ce bruit fait autour de son idée, et que les coulissiers avaient déjà, dans la guitare, comme on appelle les alentours de la corbeille, surnommé le roi de la Boostify. Elle montait, montait étrangement, la Boostify, une mer en temps de mascaret. La hausse débordait, irrésistible, avec des grossissements imprévus, et chaque soir, dépliant le journal sans dire un mot, Victor Ribert pensait, en voyant monter, toujours monter, la société d'alimentation. Si j'avais su. Oui, s'il avait su. Dans le fracas de la publicité, comme une apparition de féerie dans un bruit de cymbales, la Central American Bank avait émis avec prime, une prime énorme, les actions de la société qui valait 500 francs au pair. On s'était colté, disaient les journaux, devant chez Stocklight pour avoir des titres. Les gazetiers annonçaient partout un succès foudroyant. En réalité, le public demeurait froid, inquiet ou gouailleur. Presque tous les titres restaient aux mains de Stocklight. Le quart seulement du capital était souscrit, le quart seul de cette souscription même étant versé. « Eh bien ?» demandait Guillemard à Stocklight. Il était assez pâle, en dépit de sa confiance, et Molina le tombeur, rouge comme une pivoine, ajoutait « Eh bé !»« Parfait !» répondait Stocklight. « Excellent !»« Mais quoi ? Excellent, parfait, parfait. Il ne leur disait pas que presque tous les titres lui restaient pour compte. À quoi bon décourager les soldats engagés? Calme, presque gai, très serviable, Stocklight ajoutait. C'est et ce sera une affaire étonnante, admirable. Le pactole. Chez moi, vous trouverez toute facilité. Vous pouvez donc, la Central American Bank vous servant de banquier, faire feu de tous bords. Nous sommes à 700 francs. Nous pourrons monter à 1000. Je maintiendrai les cours à 700. Mais pour entraîner le public, absolument, il faut, avant 15 jours, sur les titres, une hausse, comment dirais-je, extravagante. Parfaitement, dit Guillemard. Et pour ça? Le regard bleu de Stocklight eut l'air de demander avec une souriante indulgence à Molina. « Êtes-vous donc un enfant, dear ?»« Pour cela, très simple chose, le moyen unique et facile, très facile, c'est d'acheter. Vous avez chez vous ou chez moi tout l'argent disponible. Servez-vous-en d'abord pour la bourse. Il rentrera plus tard et servira à l'exploitation. Travaillez ferme, achetez hardiment, achetez, achetez, et tout naturellement nous aurons une hausse colossale, tout à fait colossale. Oui, colossale, je dis le mot. » « Eh bien, s'écria Guillemard, ça sera fait. Toute voile dehors et feu partout. Go ahead, ajouta gaiement l'Américain. Le blond Stocklight était prophète. La bourse fut stupéfaite en voyant cette fièvre d'achat enlever soudain, avec un étonnant prurit de lucre, cette boostify que les malins raillaient déjà. Elle montait comme en un beau jour un ballon bien gonflé dans un rayonnement de soleil, cette société d'alimentation. À combien l'alimentation? À 700, à 750, à 800. Achetez la boostify. Une marée de hausse l'emportait, la faisait bondir et rebondir comme un bouchon sur la crête des vagues. À 850, à 875, à 900, c'était superbe. Guillemard étouffait de joie. Molina le tombeur cherchait des yeux rodillons, maintenant campés au beau milieu de la bourse, sous l'horloge, près de ces banquiers allemands qu'on appelle en cet endroit la bande noire, et le Marseillais s'amusait beaucoup de le voir sourire. « Il rit jaune, » disait Guillemard. « Il en aura une maladie de foie. Si l'on regardait de près ses prunelles, on y verrait les symptômes de l'ictère. » Autour de la corbeille, le comptant, le groupe des commis d'agents et des commis de la rente, la coulisse, tout ce tripotis de monde qui s'agite avec des mouvements épileptiques entre l'horloge et le cadran de la girouette, tous ces financiers et banquiers à côté contre leurs piliers d'habitude, la Banque de Paris au troisième pilier, une autre banque au quatrième, une autre au cinquième, se demandaient un peu étonnés jusqu'où monterait la société d'alimentation. Elle pouvait monter jusqu'à 1000 francs, elle pouvait les dépasser, elle montait toujours. C'était sur ses actions, nées d'hier, que se ruait, prise de boulimie, la spéculation dans une poussée extravagante. On ne demandait que de l'alimentation, on n'achetait que de la boostify. Ce mot grossier revenait, comme un refrain de victoire, sur toutes les lèvres. À 925, à 950, à 1000 francs, la boostify. Et d'un bond, elle les dépassait, ces 1000 francs. Elle montait à 1100, elle allait à 1150. Guillemard criait à Molina, en descendant les marches de la bourse transformée en escalier du Capitole. « Elle fera 1200, 1300, 1500, 2000. Il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête. » Jamais un homme ne fut plus heureux. C'était le couronnement de sa vie, sa victoire décisive, l'invention qui le posait en roi du marché. « Car il y a toujours des rois en République, disait-il gaiement. Et vive sa majesté le sac !» On le saluait, on le félicitait, on ramassait ses gants lorsqu'il les laissait tomber. On lui eût ciré ses bottes, et quelle fortune! Dans cette foule bouleversée par cette hausse qui faisait ouvrir de grands yeux, Guillemard ne rencontrait qu'un homme qui demeurait froid et le regardait avec un petit rictus un peu narquois. C'était Rodillon. Un jaloux. Ce succès lui faisait mal. Un imbécile. Il n'avait pas su prévoir la victoire. Une canaille avec ça. Je suis joliment content d'être délivré de lui, dit-il un soir à Louis Gribert. Le peintre lui répondit « Prends garde !» Rodillon ressemble aux souris qui rongent, rongent. Difficile à chasser, ces petites bêtes, et gourmandes. « Eh bien, » fit Guillemard, « on donnera de la mort au rat, ta souris. » Il se mit à rire de pitié en regardant Louis. « Quand on pense que tu crois à Rodillon, toi ?»« Fermement. »« Tu fais des affaires avec lui ?»« Le plus possible. »« Est-ce qu'il te parle de moi ? » ?»« Jamais. Et tu gagnes de l'argent avec Rodion? Beaucoup. Tu as l'air pourtant triste comme un bonnet de nuit. C'est pour ça. Es-tu bête? Parole. Et Louis disait vrai. Il racontait parfois en riant son ennui à Raymonde, que cela amusait. Jamais je ne me suis trouvé aussi ruiné que depuis que je suis millionnaire. Au temps où il était pauvre, la pensée que d'autres étaient plus pauvres que lui le consolait. Riche, l'idée que d'autres pouvaient l'écraser de leur fortune l'énervait. Il se sentait plus misérable à côté de certains millionnaires coudoyés maintenant qu'autrefois dans sa médiocrité de philosophe dédaigneux. Le mandarin faisait payer cher son demi-meurtre. Louis, dans ce monde bizarre, presque international et souvent presque interlope, où il s'était jeté, avide de mouvement, éprouvait des stupéfactions de huron. Il entendait un Américain à qui l'on refusait le droit d'illuminer l'Arc de Triomphe au jour de sa fête, parce que c'est un monument public, dire froidement « Eh bien, combien cela coûte-t-il pour en faire un monument privé ? Si Paris veut me le vendre, je l'achète. » Il dînait chez des Yankees magnifiques comme des sultans de contes de fées et qui offraient à leurs invités le menu gravé sur une lamelle d'argent mat à dessin japonais de Tiffany, que l'on était forcé d'emporter ou qu'on eût balayé avec la desserte. Il s'agitait, effaré, un peu grisé, dans une cohue singulière où l'adjectif devenait banal, le superlatif seul ayant quelque valeur encore. Riche, là, ne signifiait rien. On y était richissime. Et comme la mouche autour du miel, des décavés parisiens, des aventuriers russes, des comtes du pape ou des châtelains d'Espagne tourbillonnaient dans ces rayons d'or, flirtant avec des américaines qui incarnaient des mines de cuivre et des tailleries de diamants, apparaissaient, disparaissaient, visions énigmatiques, espèces de Willis de souper et de ville d'eau. Les petits millions de Louis, dans l'entassement de ses dollars et de ses roubles, lui semblaient piteux. Il se trouvait misérable. Alors il se lançait, à corps perdu, dans un tas de spéculations bizarres. Casinos, bains de mer, panoramas ou dioramas, langoustières, où l'on devait élever assez de ses crustacés en un mois pour fournir, pendant tout un hiver, Paris de homards américains. La mer enlevait les barrages des langoustières, les ensablait. L'ingénieur poussait des cris d'alarme. Louis payait, et il se rejetait à quelque opération nouvelle, moins pour s'enrichir que pour s'étourdir. Ennuyé, énervé, trouvant les journées vides et les nuits longues et prenant pour se calmer et dormir du chloral, qui le rendait ensuite somnolent et triste. On lui proposa une fois de faire bâtir toute une plage. D'artiste, il fut devenu aubergiste, hôtelier, louant des maisons. Une autre fois, on lui apportait une affaire étonnante. Dans un coin perdu, un petit village qui s'appelait le Valmoustier, on apportait du kaolin. On bâtissait des fours et on fabriquait des vieux moustiers par caisse. On en expédiait par haras. Opération superbe. De peintre parisien, Louis fut cette fois devenu faussaire en faïence et truqueur. Il lui tombait un tas d'inventeurs sur la tête et de bohèmes à travers les jambes. Tous les frelons et les parasites du million le hantaient. Il arriva, éclatant de rire, un matin à déjeuner chez Guillemard et demanda à Raymond si elle voulait que son père fût comte. « Comte ? Comment comte ? » dit la jeune fille. « Comte, substantif masculin. Comte qui a un comté et dont les fils sont vicomtes. » Le gros Lillois pouffa de rire. « Comte, moi. Comte, le fils de mon père. » Louis tirait de son portefeuille un papier blanc plié en quatre et, après l'avoir lu, le faisant passer à Guillemard, étonné, et à Raymonde. « Voyez, lisez bien. » Agence Carbuccia, Via del Popolo, Rome. Monsieur, connaissant la haute situation que vous occupez très justement dans le monde de la finance et voulant vous mettre à même de profiter soit dans l'intérêt de vos affaires, soit dans celui de votre famille, et Louis riait en soulignant cela, haute position, monde de la finance, des ressources nobiliaires que je tiens à la disposition des personnes considérables de tout pays, je viens vous aviser que je puis, moyennant une somme officiellement fixée, soit certaines décorations, soit un titre qui facilitera sans doute les transactions que vous avez entreprises. Titre de prince, 75 000 francs. Titre de duc, 50 000 francs. Titre de comte, 25 000 francs. Titre de baron, 20 000 francs. Le tout garanti valable et en bonne forme. Agréez, monsieur, avec l'espoir d'une prochaine réponse, l'assurance de ma haute considération, J.B. Carbuccia. C'est bien amusant, dit Raymond en tournant et retournant le papier. Et le post-scriptum, tu n'as pas lu le post-scriptum ? Toujours riant, la jeune fille continuait. P.S. Dans le cas où la proposition ne vous conviendrait pas personnellement, prière d'en faire part à vos amis et connaissances. « Ce que je fais, » dit Louis Gribert, « verse-lui 25 000 francs, Émile, ou 50 000. Ça vaut bien mieux que ça, un duché. Et Carbuccia me bénira, ce vénérable Carbuccia. Qui sait, il me donnera peut-être un escompte. » « Eh bien, voulez-vous que je vous dise ?» ajouta brusquement Louis, devenu bizarre, nerveux. « Je regrette presque le temps où je ne recevais pas de circulaire de l'agence Carbuccia et où je rêvais d'être quelqu'un, me manquant pas mal d'être quelque chose. » « Le savetier, le financier, fable, » dit la petite Raymonde dans un joli rire rose.